الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال المصنف رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم C'est-à-dire, si l'on vous demandait quels sont les trois principes fondamentaux que doit connaître tout être humain musulman, vous répondriez, tout croyant doit connaître son Dieu, sa religion et son prophète Mohammed, que soit sur lui une salutation et les bénédictions d'Allah. Si l'on vous demandait qui est votre Dieu, vous répondriez, mon Dieu c'est Allah qui m'a créé et éduqué et a agi de même avec toutes ses créatures en leur prodigeant sa grâce et sa faveur. Il est mon adoré, je n'adore personne autre sauf lui. Voici l'évidence divine d'Allah dans le Saint-Coran. Louange à Allah, Dieu, Seigneur souverain des mondes. Toute autre chose que Dieu est sa créature, et moi, je suis une de ses créatures. Donc, l'auteur commence par ces paroles. Faïza qila laka. Donc toi, ô musulman, ou ô musulmane, lorsqu'il t'est demandé mal usul salata, quels sont les trois fondements principaux de l'islam? Et là, Cheikh Bendaz dit, wa alaykum salam, هذه الأصول الثلاثة تجمع الدين كله من ربك وما دينك ومن نبيك وهي التي يسأل عنها العبد في قبره c'est-à-dire alaykum salam voici les trois fondements qui regroupent qui rassemblent toute la religion car la connaissance de son Seigneur la connaissance de sa religion et la connaissance de son prophète, ceci est toute la religion qui est demandée à être connue. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur, wa ma dinuk, quelle est ta religion, wa man nabiyuk, et qui est ton prophète. Wa hiya allati yus'alu anha al-'abdu fi qabri, et c'est ces trois questions sur lesquelles sera questionné l'homme dans sa tombe. Puisque dans sa tombe, lorsque Munkar wa Nakir, les deux anges qui questionnent le mort dans sa tombe, ils viennent, ils lui poseront que ces questions-là fondamentales. Ils n'auront pas à lui poser d'autres questions. Car si il a connu son Seigneur, il a connu sa religion, et il a connu son prophète, c'est qu'il a fait preuve d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il s'est acquitté de son devoir envers son Seigneur. Et toute autre chose que ces trois principes fondamentaux, l'homme n'est pas, ce n'est pas une obligation pour lui de les connaître. S'il a connu son Seigneur, s'il a connu sa religion et s'il a connu son prophète, ceci pour régler son problème avec le, pour l'au-delà, se suffit seulement. Donc c'est pour ça qu'il faut, dans cette vie, savoir à quoi donner la priorité. La priorité est donnée à quoi ? Que l'homme recherche à connaître son Seigneur, à connaître sa religion et à connaître son prophète. Ça, c'est le plus important. La plus importante chose à connaître, c'est cela. Toute autre chose, mais soit c'est une obligation ou soit c'est facultatif, mais ce n'est pas sur ces points-là que sera questionné. Donc c'est bien pour cela que l'auteur a fait cet ouvrage-là. C'est pour faire comprendre à la masse et à tout musulman, tout homme, toute musulmane, que s'il veut sa réussite dans ce bas-monde et dans l'au-delà, il faut qu'il donne priorité à ces trois points fondamentaux pour lesquels tous les prophètes ont été envoyés. Pour enseigner aux gens qui est leur Seigneur, pour leur enseigner qu'est-ce que la religion, et pour qu'ils suivent ces prophètes-là. Fakoul dit, lorsqu'il s'est demandé quels sont les trois principes fondamentaux, Fakoul, ma'arifatu al-abdi rabbahu. La première des choses, c'est, je dois répondre, la connaissance du serviteur. Le serviteur doit reconnaître qui en premier, son Seigneur. Donc le premier point que tu dois attaquer, c'est quoi? C'est la connaissance de ton Seigneur. Tu ne précèdes rien avant Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Et connaître son Seigneur, comment on peut connaître notre Seigneur? D'abord, comme il s'est révélé dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui dans le Coran. Donc on doit le reconnaître et rechercher à le connaître par tous les signes qu'il a fait descendre dans le Coran, puis dans les hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wassalam, car le prophète alayhi salam nous a décrit notre Seigneur. Hein? Et aussi une troisième chose, c'est à nous de regarder tout ce monde-là. Et si jamais on médite sur la création, sur les signes d'Allah, tout ceci n'est qu'une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même en nous-mêmes. Donc, la première des choses, c'est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, dans la création. Sinon, l'homme de lui-même, il ne peut concevoir son Seigneur. Car tout regard ne peut l'atteindre. Mais lui, une fois. C'est ça qu'il faut bien le comprendre. Et tous les versets et tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parlent de notre Seigneur et qui nous parlent des aspects ou des qualificatifs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit y croire. Et ne pas croire en cela, c'est une forme de mécréance. Y croire sans chercher le comment, car ça ne nous est pas demandé. Allah ne nous a pas demandé de chercher le comment. Tu crois à tel verset, tu crois à tel hadith et tu ne vas pas plus loin. Car c'est une porte, si tu l'ouvres, qui est sans issue. L'invisible, si tu fermes tes yeux, il n'y a plus de limite. Tu peux t'imaginer ce que tu veux, tu peux croire être là où tu veux. Mais une fois que tu as les yeux ouverts, tu vois très bien les murs. Tout est restreint. Donc c'est une porte sans issue. Et c'est pour ça que beaucoup de sectes se sont égarés lorsqu'ils ont essayé d'entrer dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, lorsque il était à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en train d'enseigner ses élèves, et qu'un homme entra et dit: Ya Malik, الرحمن على العرش استوى كيف؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أخرج الرجل فإنه مبتدع. Lorsque l'homme lui demanda: Ô Malik, le très miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône, on ne dit pas s'est établi, comme c'est traduit dans certaines traductions. S'est élevé au-dessus de son trône. Comment? Et là, l'imam Malik lui répondit. Regardez les réponses des pieux prédécesseurs. Il lui dit quoi? L'élévation est connue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le terme istiwa est un terme arabe compris. Tout arabe comprend ce terme-là. Mais le comment est ignoré. Nous, entre nous, pourrait se dire, c'est que la, on pourrait comprendre le comment de l'élévation de quelqu'un. Mais en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, ça non. Car Allah nous a dit qu'il s'est élevé sur son trône, comment, ça ne nous regarde pas. Il ne nous a pas ordonné, il ne nous a pas demandé d'entrer dans ce domaine-là. Donc il répondit, mais le comment est ignoré. Et d'y croire est une obligation. Et d'en poser la question est une innovation. Pourquoi? Parce que les sahaba radiallahu anhum, qui vivaient la révélation du Coran sur le prophète alayhi wa sallam, ils lisaient ce verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur lisait ce verset. Jamais cela n'a été rapporté que l'un d'entre eux a questionné le prophète alayhi wa sallam sur ces domaines-là. Ni les tabi'in qui ont suivi l'enseignement des Sahaba, ce qui prouve bien, et comme on sait tous, que leur chemin est le meilleur des chemins, c'est qu'on n'a pas le droit d'entrer dedans. Et quiconque essaie d'entrer dedans, c'est qu'il est innovateur. Et c'est pour ça que l'imam Malik, il dit quoi? Et d'en poser la question avec une innovation, faites sortir l'homme, car je le vois innovateur. Car le fait de laisser ce genre de questions se propager, ça va faire plus de mal que de bien. Les gens, ils étaient tranquilles dans leur tête. Ils apprenaient leur religion. Une petite question vient comme ça et elle les trouble. Et ils se mettent à se préoccuper à des domaines dans lesquels ils n'auront rien à gagner, mais plutôt à perdre. Car ils sont en train d'apprendre à appliquer leur religion, à mettre en pratique, à s'acquitter de la religion, et là ils vont entrer dans un domaine que même s'ils le savaient, qu'est-ce que ça va leur rajouter dans leur adoration? Et c'est pour ça que c'est un domaine qui ne les regarde pas. Le fait de croire qu'on peut amasser toute la science, ça c'est faux. Car toute la science qu'Allah a émise à sa création, c'est comme une aiguille qui a été entrée dans l'océan et retirée. Les petites gouttes qui sont dans cette aiguille, c'est ça la science qui nous a été donnée. Celle-là, cette science-là, nul ne peut l'amasser entièrement. Alors qu'est-ce que ça doit être pour la science qu'Allah ne nous a pas donnée? Et ça, il faut en être conscient. Combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens venaient le questionner. Il ne répondait pas, il attendait la révélation. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. Et il te demande, il te questionne sur les croissants de lune. Et là, c'est dans le verset du Coran, c'est le Coran qui lui répond. Allah, il répète la question qu'on lui a demandée, et il répond. قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلَّهِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ. Et il te questionne sur l'âme. قُلْ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. الروح, l'âme. Allah, là, il ne lui donne pas. L'âme fait partie de l'ordre d'Allah, de ton Seigneur. Et il nous a été donné des sciences que très peu. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. Le verset où les gens lui demandent sur l'heure. c'est combien? On peut les compter, les versets, où Allah, il dit à son prophète, et il te questionne sur. Et là, Allah lui donne la réponse. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui reçoit la révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui lui, tout ce qui sort de sa bouche n'est qu'une révélation qui lui a été révélée, sa science a été limitée. Pourquoi nous, on pense avoir des spécificités que le prophète n'a pas eues? Qu'on peut entrer dans des domaines que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas permis d'entrer dedans. Et c'est ça les forces de l'égarement. Quiconque ne veut pas s'attacher, mordre à pleines dents la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le chemin de pieds prédécesseurs, c'est ce qui lui arrive. Et c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Tadaktukum ala al-bayda, layluha ka nahariha, la yaziru anha ba'di illa halik. » Je vous ai laissé sur un chemin droit. Il éclaire de jour comme de nuit. Ne s'en égare après moi qu'un homme voué à la perdition. Celui qui s'égare du chemin, c'est qu'un homme qui est voué à la perdition. Et sur ça, il faut donner de l'importance à ce point-là. Donc, فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ. Tu réponds, c'est que le serviteur connaisse son Seigneur. وَدِينَهُ. Et sa religion. وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ. Et son prophète Muhammad صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ. فَإِذَا قِيلَ لَكَ. S'il te dit, مَنْ رَبُّكَ. Qui est ton Seigneur? فَقُلْ. Réponds. رَبِّي اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمَتِهِ وهو معبودي ليس لي معبود سواه. Ce qui veut dire, vous répondriez, mon Dieu c'est Allah qui m'a créé et éduqué et qui a agi de même avec toutes ses créatures en leur prodigant sa grâce et sa faveur. Il est mon adoré, je n'adore personne autre sauf lui. Voici l'évidence divine d'Allah dans le Saint-Coran. Louange à Allah, Dieu, Seigneur souverain des mondes. Louange à Allah, Seigneur des mondes. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le souverain, le Seigneur des mondes. Allah c'est le créateur, nous sommes ses créatures. C'est lui qui décide de nous. Il sait mieux que nous ce qui est un bien de ce qui est un mal. Il se pourrait que nous, on dise aujourd'hui que telle chose est un bien, dans peu de temps on dira qu'on s'est trompé, c'était un mal. Et vice versa. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit que telle chose est un mal, elle est un mal en tout temps et en tout lieu. Et lorsqu'il dit que telle chose est un bien, elle est un bien en tout temps et en tout lieu. C'est nous, notre conscience, qui est limitée, on ne peut, beaucoup de choses on ne peut les concevoir. C'est pour ça qu'on se précipite parfois. C'est parce que c'est notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre des choses. Et c'est parce qu'on ne veut pas s'en remettre à notre Seigneur. Si on avait une confiance complète en notre Seigneur et en son prophète, on ne discuterait pas les lois. Si on n'avait aucun doute, on avait une certitude complète en Allah subhanahu wa ta'ala et en son message, on ne se poserait pas de questions. On irait les yeux fermés, comme les Sahaba faisaient. Comme un parhabé qui disait au prophète, même si tu nous demandais de traverser la mer, on le ferait avec toi. Lorsqu'ils lui ont dit, on ne te répondra pas comme ont fait les enfants d'Israël avec Moïse, lorsqu'ils ont dit, va toi et ton Seigneur combattre. On reste là, on attend. Alors que Moïse, par la grâce de son Seigneur, venait de les sortir de Pharaon et de l'emprise de Pharaon. Et ils ont vu Pharaon et ses troupes pris dans la mer. Ils ont vu la mer s'ouvrir à eux. Ils ont vu combien de signes de leur Seigneur. Et lorsqu'ils arrivent vers la terre de la Palestine, qu'est-ce qu'ils disent? Va toi et ton Seigneur combattre. Nous, on attend là. Alors là, les Sahaba, ils ont dit au prophète sallam, on ne te répondra pas comme ont répondu les enfants d'Israël à Moïse, même si tu nous demandes de traverser. La mer, on la traversera avec toi. C'est des hommes qui étaient sûrs d'eux, qui savaient que la personne qui était avec eux n'était pas n'importe qui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme choisi par son Seigneur pour la dernière révélation et pour qu'il soit le sceau de la prophétie. Enfin, eux l'avaient très bien compris. Et c'est pour ça que lorsqu'il arriva à Médine et qu'il a rendu frère les Muhajirin et les Ansar, l'un ne s'est pas posé la question, peut-être que je suis profiteur, et l'autre ne s'est pas dit, l'autre il vient pour profiter de moi. Ils n'avaient pas ça comme question. Enfin, parce que c'était, les cœurs ils étaient unis. C'est pour ça qu'Allah est en parole, même si tu avais dépensé tout ce qu'il y a sur terre pour unir leurs cœurs, tu n'aurais pu le faire. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a uni leur cœur. Donc cette conviction-là et cette certitude-là, c'est ça qui nous manque à nous. C'est ça qui nous manque à nous. Combien parmi nous, il suit un chemin, dès qu'il a un problème, il dit c'est parce que j'ai suivi ce chemin. Les Sahaba, il y en avait quelques-uns parmi eux qui étaient bien vus à la Mecque. Pas de problème. Bien respectés, ils ont fait la shahada, tous les problèmes leur sont arrivés. Ils n'ont jamais remis en doute le prophète ni la religion. Dire, bah, comment ça se fait qu'avant je vivais bien et maintenant je vivais. Non. Parce que la foi elle était vraiment bien ancrée dans leur cœur, qu'ils ne se posaient plus cette question-là. Et qu'ils savaient que ce n'était pas le paradis dans lequel ils vivaient, mais c'était plutôt un monde où il y avait des épreuves à passer. Donc, c'est pour ça qu'il a dit l'argument de cette chose-là, c'est le verset qui est le premier verset de la sourate de Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est en droit d'avoir toutes les louanges. C'est lui le majestueux, c'est lui le grand, le puissant, le tout miséricordieux, le clément. Wa kullu ma siwa Allahi 'alam. Et tout ce qui est en dehors d'Allah est la création. Car vous avez le créateur et la création. Le créateur est un. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a aucun associé. Et la création, c'est tout ce qui a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi lesquels les hommes, les djinns, la faune, la flore, les anges, tout ce qui existe hormis Allah est la création. Et c'est pour ça qu'ils se sont trompés. Et c'est même une forme de mécréance, et ce n'est pas une très grande forme de mécréance, ceux qui ont voulu faire l'unité de l'existence, ce qu'on appelle en arabe « wihdatul wujud ». Que tout ce qui existe, tout ce que tu peux voir, ce n'est qu'Allah. Et ça, c'est la croyance de beaucoup de sectes soufis. Et un des premiers qui a ramené cette croyance-là, si ce n'est le premier, et je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, un ou deux qui ont dû le précéder, mais celui qui a vraiment propagé cette conviction-là, c'est Muhyiddin ibn Arabi, At-Ta'i. Ibn Arabi, il est d'origine d'Andalousie. À l'origine, ses ancêtres viennent d'Arabie. Et pourquoi on l'appelle Abtaï? Parce qu'il est à l'origine, il est originaire d'une famille, le Jahiliya, qui vivait dans la région de Taï, qui se trouve au nord de l'Arabie. Et tous ceux qui sont de cette région-là, on les appelle Abtaï. Et son ancêtre, le Jahiliya, c'est Hatim ibn Abdullah At-Ta'i. C'était un homme qui a vécu pendant ce jahili, qui était avant la prophétie, et qui était un homme qui était reconnu pour sa générosité. C'était un homme qui s'était juré de ne jamais manger si ce n'est en présence d'autres. Donc, et puis à chaque fois qu'il n'y avait pas d'autres, il ne mangeait pas. Et parfois, ses enfants venaient à lui et lui disaient « Fais comme si c'était nous tes hôtes. » Il leur disait « Non, vous êtes mes enfants. » Pourquoi? Eux, par compatissance pour leur père, pour qu'ils mangent. Mais lui, c'était jure de ne jamais manger si ce n'est en présence d'autres. Et qu'est-ce qu'il faisait? La nuit, il allumait un feu sur une hauteur, une colline, pour comme ça que les voyageurs qui passent par là, dès qu'ils voient le feu, et bien qu'ils viennent à ce campement, à cet endroit-là, pour se reposer. Et à chaque fois, il y avait je ne sais combien de chameaux et de chamelles qui étaient égorgés pour ces gens-là. Et il avait aussi des chiens qui aboyaient pour les aveugles. Pour que si des aveugles passent, ils entendent l'aboiement des chiens et qu'ils s'approchent de ce coin-là pour aller se reposer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam même lui reconnaissait la vérité de cet homme-là. Et cet homme-là, il avait un grand-fils qui s'appelait, son plus grand-fils s'appelait Adi. Adi ibn Hatim ibn Abdillah. Et Adi est connu, c'est un sahabi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il entre dans l'islam en l'an 9, vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'était sauvé, parce que les troupes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient entrées à Taïf. Et il les avait demandé d'entrer dans l'islam, ils n'ont pas voulu. Donc ils sont venus, ils ont pris la région. Et lorsqu'ils ont pris la région, il y avait une des sœurs de Ali, qui est la fille de Hatim ibn Abdillah, et qui avait parlé fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans sa tente, il dit, qui est cette femme qui parle? Ils dirent, c'est la fille de Hatim ibn Abdillah, al-Ta'i. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lâchez-la et ses siens, car son père était un homme très généreux. Et ils rentrèrent dans l'islam. Mais le grand frère Adi, il s'est sauvé de Chab et il est entré dans le christianisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé celui qui se sauve d'Allah et de son messager. Al-Farru min Allahi wa Rasuli. Il se sauve, il va revenir. Et il est revenu. Il est venu à Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé un coussin et il l'a fait asseoir dessus. Il l'a vraiment très bien reçu. Et c'est là où lui, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi dans le verset coranique, il est dit que sur Nasara, et tafadou à ruhbanahum, ahbarahum wa ruhbanahum, arbaba min dunillah, qu'ils ont pris leurs élites religieuses, les seigneurs hormis Allah. Alors que nous, on ne les adore pas. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, n'est-ce pas que lorsqu'ils vous interdisent ce qu'Allah a rendu licite, vous leur obéissez? Il a dit si. N'est-ce pas que lorsqu'ils vous rendent licite ce qu'Allah a interdit, vous leur obéissez? Il a dit si. Il a dit, bah voilà leur adoration. Ça fait peur parce que nous, ça on le vit. Oui, la communauté musulmane, on le vit ça. Le shirk, il a dit que c'est halal. Or, dans son cœur, il sait que c'est haram. C'est grave. C'est une forme d'adoration. Non. فالمهم أن هذا ابن عربي إلي أجنى عدد الفاميس سنوغيش سنفتح اللفات ابن عربي الطائي الحاسمي عليكم السلام إلي ني دان نورد المغرب من أندونيزي إلي فياشي إلي بارتي على مكة إلي رستي عن فوموم على مكة سابو إلي كسونيف الفتوحات المكية لي كونكيت ميكواز تاني من بليزيور volume. Il écrit aussi son livre sur le Hikam, sur la sagesse, d'après ce qu'il dit lui. Car si on le voit vraiment, ce n'est pas de la sagesse. Et il est parti terminer sa vie à Damas, et il est enterré après on a mis un mausolée, une coupole comme la même qui est sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez la coupole verte qui est dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la même coupole, elle est là-bas à Damas, au-dessus du tombeau de Muhyiddin ibn Arabi. Il est sur la montagne qu'on appelle montagne Al-Qasiyoun. Qasiyoun, dans le quartier de Salihiyya, un quartier de Damas qui est en montagne. Et il a sa tombe là. Les gens viennent, ils font tawaf autour, ils tournent autour de sa tombe, ils viennent le demander. Et pour eux, c'est le Cheikh Al-Akbar, c'est le plus grand des Cheikhs. Les Soufis, ils ont tous un Cheikh. Chaque secte a un shir, comprenez? Mais pour eux, et chacun suit son shir. Mais pour eux, ils sont unanimes que le plus grand des shir, c'est Ibn Arabi. Ibn Arabi, et un des plus grands qui a appelé à l'unité de l'existence. Que tout ce qui existe, ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Que l'homme n'est qu'un morceau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu vois, c'est Allah. C'est pour ça que parmi eux, il y en avait qui disaient Al-Abdu Rabbun. C'est même lui qui disait ça. Al-Abdu Rabbun. Wal-Rabbu Abdun. Ya layta shi'ri man il-mukallafu. In kulta Abdun fazaka Rabbun. In kulta Rabbun fazaka Abdun. Et ça veut dire le serviteur, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est le serviteur. Mais qui est entre les deux? Celui qui est, à qui il est demandé de s'acquitter des règles religieuses. Al-Mukallaf. Car si tu dis le serviteur, tu entends le Seigneur. Et si tu dis le Seigneur, tu entends le serviteur. Et il y en a même parmi eux qui se glorifient lui-même, en pensant que c'est lui Allah. C'est un morceau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Arabi, Ibn Sab'il, et ainsi de suite, tous ces. C'est ceux qui ont appelé à l'unité l'existence. Et ça, c'est la croyance, la conviction de la majorité des soufis. Si ce n'est pas tous. Que ce soit Naqshbandiya, que ce soit Shafiriya, que ce soit Sohrawiya, que ce soit Jashatiya, que ce soit les Tijaniya, hein, ou Al-Qadiriya, tout cela. Et c'est pour ça qu'eux disaient, les chemins qui mènent à Allah sont au nombre de ses créatures. S'il y a 5 milliards de créatures, il y a 5 milliards de chemins qui mènent à Allah. Alors qu'il n'y a qu'un seul chemin. Tous les chemins sont fermés, si ce n'est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est très grave, ça. Et c'est pour ça qu'il explique bien. Ici, en disant, tout ce qui est hormis Allah, tout ce qui est en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est la création. وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ. Et moi je suis un parmi ta création. Il n'y a pas à dire, on va chercher le bien qu'il y a dedans. Ah bon, parce que dans le prophète sallam, il n'y a pas de bien. Il manque quelque chose dans le chemin du prophète sallam. Si tu prétends que tu vas prendre le bien de là, et le bien de là, et le bien de là, c'est que dans le chemin du prophète, il n'y a pas ces biens-là. Alors que si tu étais intelligent, tu vas essayer de gagner du temps. C'est de prendre directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans la spiritualité, c'est le meilleur exemple. Dans l'adoration, c'est le meilleur exemple. Dans tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple. Et ça, c'est Allah qui le dit dans le prochain. Et qui pourrait mieux juger si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Certes, il vous a été dans le messager d'Allah un bon exemple pour celui qui croit en Allah le jour dernier et qui se rappelle souvent d'Allah. Pour cette personne-là, il comprendra que le meilleur exemple qu'il a, c'est le prophète alayhi salatu wa sallam. C'est pour ça que ces points-là, c'est très important à mettre le point dessus. Ben, ceci dit, on vient au terme de ce chapitre-là d'aujourd'hui. Subhanak Allah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Écoutez, hadou, ils ont rien. Dans l'apparence, ils ont rien qui puisse te rapprocher de ta religion. Et dans ce qui t'enseigne, il n'y a rien, à part de te faire défier de la religion. D'établir, on pourrait dire qu'il y a des choses, hadou, ils n'ont rien. Et ça, c'est une vérité. Et on l'a vécu nous-mêmes. Dès le premier jour que tu rentres dedans, déjà, si tu es sincère, tu vois des choses. Même qu'il n'a aucune connaissance, tu vois des choses. Parce que qui ne sait pas que le mensonge est interdit? Tout le monde le sait. Et bien, tu vois des choses. Entre ce qui est dit ouvertement, entre ce qui est fait en dessous, tu dis, ça va pas. Ça va pas. Comme il dit, Cheikh Mohamed Hafidallah, il dit une belle parole, il dit, nous, notre da'wa, elle est claire. Avec l'ami comme avec l'ennemi. Et vous méditez cette parole-là. Notre da'wa, elle est claire, avec l'ami comme avec l'ennemi. Un Français, il vient, la démocratie, ah non, on a un kufr. c'est démocratie. Les musulmans, ils disent, ah, il y en a kufur. Voilà, le français vient et dit, mais nous aussi, si en islam, il y a démocratie, on a ce qu'on appelle la shura, ça, c'est, oui, c'est pareil. Non, non, je ne vois pas ça. Nous, je sais pas ce que je suis. Nous, c'est un éclair. Parce que les koufars, lorsqu'ils sont invités par ces gens-là, eux, les koufars eux-mêmes, ils savent le vrai visage de l'islam. Ils savent très bien. Vous savez très bien que si vous venez au pouvoir, vous n'allez pas nous laisser le pluralisme. Ils disent non, on est pour le pluralisme. Les koufars eux-mêmes, ils leur disent. Vous savez très bien que chez vous, le pluralisme, il n'y a pas. Et ils disent non, il y a. Et ils continuent à insister. Alors que c'est les koufars qui leur disent ce qu'il y a dans la religion. Ils le savent très bien. Il n'y avait pas longtemps, là, je voyais un débat entre un frère musulman et un laïc d'Égypte. Alors, le laïc, il est vraiment pour la séparation de l'État et de la religion, vraiment, ainsi de suite. C'est même pas la peine de discuter pour lui, ça. Pour lui, l'islam, il n'accepte pas, c'est l'islam, le vrai islam. Tout le reste, pour lui, il n'y croit même pas les autres formes d'islam. Lui, il combat le vrai islam. Et toutes les autres formes d'islam, lui, pour lui, c'est pas de l'islam, ça. Le seul islam, c'est l'islam que lui combat. C'est étonnant. Lui, déjà, il sait c'est quoi le vrai islam, mais il le combat quand même. Alors, il dit, non, il y a la démocratie. L'autre, il lui dit, non, il n'y a pas la démocratie chez vous. Il lui dit, vous êtes contre un pluralisme. Et il lui ramène des preuves. Et l'autre, il s'est préparé pour le débat. Et à un moment, il y a un maghrébin qui prend la parole. Il l'appelle par téléphone, il prend la parole. Il lui donne 5 minutes et il parle. Mais vraiment, c'était bien préparé. Vraiment, c'était trop bien fait. 5 minutes, mais tu sais, quand c'est bien, 5 minutes, quand c'est bien condensé, tu as bien dit ce que tu avais à dire, vraiment en résumé, c'était trop bien. Des versets, des hadiths, trop, mais vraiment bien fait. Subhanallah, vraiment, tu sais, je regardais, je dis, tu veux dire des choses, et quelqu'un qui vient, il dit à ta place ce que tu voulais dire. C'est ça. Quand il a terminé, le laïc, il dit, voilà ce que je vous disais, ça c'est la conviction des musulmans. Mais moi, je suis contre. Et l'autre il dit non, je suis pas d'accord. L'autre il dit que la démocratie c'est la mécréance. Non, la démocratie est liée en islam. Je veux dire, subhanallah. Ça marche pas ces genres de choses. Ça marche pas. Pour ton chemin, il faut qu'il soit clair. Le prophète islam était clair. On lui a proposé les clés de la Kaaba. On lui a proposé d'être le chef de la Mecque. On lui a proposé des choses. Il a pu dire ah ben tiens, j'accepte, je prends les clés de la Kaaba, c'est moi qui m'occupe des pèlerinages. Et je prends le pouvoir de la Mecque. Une fois que j'ai le pouvoir, hop, je les force à rentrer dans l'islam. Pourquoi il a pas dit, pourquoi il a dit non? Non, ça sert à rien. C'est pas ça qu'il cherche, lui. Il cherchera jamais chercher le pouvoir. Il n'a jamais cherché à prendre le dessus sur les gens. Il veut seulement leur faire comprendre que mon Seigneur vous ordonne de suivre ce chemin-là. Je peux t'arrêter là. Vous acceptez pas, ça vous regarde. C'est tout. Il n'y a pas de. C'est, subhanallah, ça, c'est un très grave problème, ça. C'est un très, très grave problème. C'est pour ça que, non, le meilleur chemin, et là où il y a plus de, là où il y a la sécurité, où il y a la sûreté, où il y a la réussite, c'est dans le chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons. Nul autre chemin. Et le prophète, lorsqu'il a vu Omar al-Khattab avec des pages de la Torah, il s'est énervé. Et il lui a dit, n'avez-vous pas le Coran? Avez-vous déjà vu un d'entre eux chercher dans le Coran? Subhanallah. On a le Coran, qui est un livre qui abroge tous les autres livres avant et qui nous ramène les enseignements des autres livres, et ça ne suffit pas. Quand tu vois des débutants ou des jeunes de France, plutôt en France, il faut dire entre nous, hein, il n'y en a pas un d'entre nous qui a assimilé le Coran entièrement, le lire convenablement, le comprendre convenablement, le mettre en pratique convenablement. Il faut dire la vérité entre nous, on ne va pas se mentir, hein. En France, eh ben, combien ont la Bible chez eux, et pourquoi? Ouais, ben non, je vais lire, je vais voir, ouais. C'est pour leur répondre et tout. Toi, tu t'es même pas répondu à toi-même, tu vas répondre aux autres. À tes questions à toi-même, tu n'as pas pu te répondre, toi. C'est pas la priorité, ça. C'est pas la priorité. Il y a des choses, par exemple, des points, c'est là où on trompe les gens. Il y a des points, par exemple, dans la communauté, Il suffit qu'un petit groupe de personnes spécialistes rentre dedans, ça suffit. Et ça, c'est accepté. Eh bien, non, ils veulent que tous les musulmans s'occupent de ça. La politique, c'est pas demander à tout le monde de s'en occuper, la masse. Ils vivent leur vie, ils travaillent, ils vont à la mosquée, ils font leur vie. Ça y est, ils s'occupent pas. Ceux qui sont spécialisés en tête de manie, ils vont s'en occuper. Non, il faut que tout le monde s'en occupe. Et c'est pour ça que ça fait des dégâts. C'est pour ça que ça fait des dégâts. Que dans un état islamique convenable, qu'il y ait un groupe de spécialistes qui lisent les journaux ou qui lisent les... Ils écoutent les radios pour, après, faire le nettoyage qu'ils vont, parce que c'est quoi, hein, les infos, comment ça se passe et tout. Eux, ils sont spécialistes, ils savent, pour donner à la masse que ce qu'il faut. Non, écoutez tous et faites vous-même vos analyses. Voilà. C'est quoi, d'où ils ont ramené ça? Et ça, c'est que des exemples parmi, je ne sais pas combien d'exemples. Et ça, tout ça, en premier lieu, ce n'est même pas une politique. Car aujourd'hui, les gens ne savent même pas qui est leur Seigneur. Ils ne savent même pas. Alors déjà, si, on est encore à ce stade-là. À ce stade-là. C'est en fait qu'il faut que nous, on doit tout reprendre à zéro. On doit tout reprendre à zéro. Et pour tout reprendre à zéro, là, vraiment, il faut faire un nettoyage complet. Et tout, 73 groupes, 72 en enfer, et un qui est épargné. Le prophète Hassan n'a pas dit, lorsque Hazaïfa ibn Yaman, il lui a dit, s'ils n'ont pas d'imam, ils n'ont pas de groupe, qu'est-ce que je fais? Le prophète Hassan lui a dit, يَعْتَزِلْتِلْ كَلْفِرَقْ كُلَّهَا. Éloignez-vous de tous ces groupes. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si jamais il arrive qu'il y a ça, qu'est-ce que je dois faire? Il pose des questions. Voilà, il n'y a plus d'imam, il n'y a plus de gouvernant. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec... Attends, c'est ça? Non, c'est je veux dire, voilà, c'est une discussion entre nous. Hein? De quoi? Voilà, je lui dis, même si tu es tout seul. Mais éloigne-toi de tous ces groupes. C'est des gens qui prêchent aux portes de l'enfer. Du'atuna ala abwab jahannam. Faut t'éloigner de ces gens-là. Y a pas de... Tu crois que chez les kofars, il n'y a pas. Si jamais on va regarder sous cet angle-là, là, de dire je prends le bien qu'il y a. Mais chez les kofars, tu peux le dire ça. Par quoi tu es limité? Les limites, tu te les as inventées toi-même. Donc, une chose qui t'a inventée toi-même, tu ne peux pas l'obliger à tout le monde. Chacun pourrait se mettre une limite qu'il veut. Si une porte que tu as ouverte, tu peux plus la refermer. Même chez les mouchriquins, même chez tout le monde. Non, c'est très grave. Le bien qu'il y a à prendre, et le problème en lui-même, il y a tout le bien que tu veux. Tout le bien de ce baron du delà. Donc, t'es tranquille. T'es tranquille. Non, voilà, c'est ça. Non. Plus rien. Une autre question? Non. La partie qu'il y aura à apprendre, Inch'Allah, pour la semaine prochaine, ça sera قول المصنف فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Voilà la partie qu'il y aura à apprendre la semaine prochaine, Inch'Allah.